Cherumal le Mahou, récit de la côte de Malabar, chapitre 1er, le Bagarao. Quand on aborde la côte de Malabar par le grand océan Indien, on aperçoit d'abord une chaîne de montagnes dentelées dont les sommets bleuâtres se détachent à peine sur l'azur du ciel. À mesure qu'on s'en approche, les cimes secondaires, qui empruntent une teinte plus sombre aux forêts dont elles sont revêtues, se montrent plus distinctement. Elles s'allongent en lignes régulières, comme les degrés d'une gigantesque terrasse. Enfin semble surgir du sein des flots, derrière l'écume argentée qui l'abat sans cesse, la rive sablonneuse partout couverte de cocotiers. Ces beaux arbres, symboles d'un climat tropical, poussent en bosquets serrés tout le long de la côte, depuis l'île de Salcette jusqu'à Ceylan, où ils atteignent une hauteur extraordinaire. À leurs pieds, et sous l'ombre plus dense des bananiers, s'abritent d'innombrables villages habités par de pauvres pêcheurs. Leurs cabanes sont si basses et si bien cachées sous l'épaisseur du feuillage que le navigateur côtoyant le rivage à la distance d'une demi-lieue n'en soupçonne pas même la présence. Partout où la nature a creusé un port, au fond des golfs et à l'embouchure des rivières, se sont élevées des villes plus ou moins célèbres dans l'histoire. Bombay, Goa, Canaror, Cochin, Calicut, Quilon. Une foule de petits souverains se partage cette région fertile où abondent les plus riches productions de la terre. Ils y vivent tranquilles dans le luxe et la paresse asiatique, sous le bon plaisir et la coûteuse protection de l'honorable compagnie des Indes orientales. Celui qui peut se vanter à juste titre de posséder la plus belle part, c'est le Raja de Travancore, dont les états n'ont pas plus de 140 milles de longueur sur une largeur de 40 à 50 au plus. Ce gracieux pays présente une succession de hautes collines et de vallées profondes où des ruisseaux se promènent en tous sens, de manière à entretenir dans ce petit coin de terre, situé en pleine zone torride, une perpétuelle fraîcheur. Au versant des montagnes, dans la partie la plus élevée du royaume de Travancore, on rencontre des forêts solitaires et mystérieuses qui recèlent les plus précieux végétaux aromatiques, l'encens, le sandal. Là, parmi les fleurs odorantes, à l'ombre des rameaux touffus, nichent et pullulent les plus charmants oiseaux, colibris et perruches. De grands singes hideux et rapaces s'y ébattent en troupes nombreuses, toujours prêts à descendre dans la plaine pour y piller les vergers et les jardins. Au plus fourré des halliers, au fond des jungles errent en paix l'éléphant, le tigre, le buffle, redoutables bêtes devant lesquelles tremble l'hindou nu et désarmé. La culture dans les vallées et dans la plaine est plus florissante qu'en aucune autre province de la presqu'île indienne. Par sa position à l'extrémité même de cette péninsule, le Travancore jouit du bienfait d'une double mousson. Grâce aux pluies qui le baignent deux fois par an, le riz réussit à merveille sans le secours des arrosements artificiels. La récolte ne manque jamais. Le paysan qui voit sa nourriture assurée a du temps de reste pour cultiver la noix de bétel, la noix de coco, le poivre, ainsi que les fruits savoureux dont la Providence a doué ces régions privilégiées. Tout serait donc au mieux dans ce paradis terrestre si le fisc n'enlevait aux laboureurs la meilleure partie du produit de son travail. Sur un sol si riche, l'homme des champs végète pauvre et misérable. Les habitants du royaume de Travancore, comme ceux des états voisins, jouissent d'une réputation de probité assez médiocre. On les accuse d'être fripons, menteurs, habiles à frauder en matière de commerce, en un mot peu scrupuleux dans les moyens dont ils se servent pour lutter contre la misère. Quand un navire européen jette l'ancre sur cette côte, il est aussitôt entouré de canots et de pirogues d'où s'élancent comme à l'abordage des pêcheurs, des petits marchands, des dobashis, des interprètes. Ils entourent le capitaine et les passagers en criant tout à la fois. Il semble qu'un bazar soit sorti par enchantement du sein des eaux. Celui-ci tient à la main une corbeille de fruits, celui-là porte sous le bras un caïman paillé, un troisième montre le poisson frais qui saute au fond de sa barque. Mais que dans le tumulte de la manœuvre, l'équipage distrait se garde bien d'oublier sur le tillac un plomb de sonde, un maillet, un sac de clous. Ces hommes à peau noire, qui n'ont ni poche ni gypsière, escamotent avec une incroyable dextérité tout ce qui leur tombe sous la main. Habitués à laisser les corneilles et les milans ramasser jusque dans leurs cabanes les grains de riz et les débris de poissons qui s'échappent de leur bouche pendant leur pas, ils se croient peut-être le droit de glaner sur le pont des grands navires ce que le hasard place à leur portée. Deux de ces honnêtes habitants de la côte, deux frères qui exerçaient la profession de pêcheurs, s'étaient établis dans un petit village sans nom situé près d'Alep, à l'extrémité septentrionale du royaume de Travancore. Un soir, selon leur coutume, ils s'étaient couchés sous les palmiers, après avoir suspendu aux branches leurs filets humides et halé leurs pirogues sur la plage. Le bruit monotone de la vague qui déferlait sur la grève les avait bientôt endormis. Vers minuit, la brise de terre s'étant élevée, les larges feuilles en parasol qui les abritaient contre la rosée commencèrent à frémir. Tirubala, l'aîné des deux frères, se dressa de toute sa hauteur, regarda le ciel et la mer, allongea ses membres engourdis par le sommeil et se disposa à partir pour la pêche. Son jeune frère Tirupati en avait fait autant. Sans se dire un seul mot, obéissant à l'instinct de l'habitude, ils avaient replacé dans la pirogue filets, rames et voiles. Au moment de s'embarquer, Tirubala arrêta son frère. « Si tu veux, nous irons au large, à la rencontre des navires européens. Nous sommes dans la saison où les Ferengis naviguent sur la côte. »« Bien, » répliqua Tirupati, « que prendrons-nous à bord qui puisse tenter ces étrangers ?»« Des cocos, à moitié secs, bien entendu. Ce serait dommage de vendre à des buveurs de vin ceux qui sont remplis de lait frais. »« Attends, je vais emporter aussi ce vilain oiseau à tête jaune que j'ai décroché hier avec sa cage à l'arrière du brick portugais qui venait de la Grande Chine. » « C'est cela, » reprit Tirubala. « Une cinquantaine de bananes vertes compléteront le chargement. Si la journée est bonne, je fais vœu d'aller demain à la pagode suspendre au cou du dieu Polia une belle guirlande de lotus bleu. » Ces préparatifs achevés, les deux frères répandirent dans la mer une poignée de riz pour se rendre propice le dieu des eaux. D'un bras vigoureux, ils poussèrent la pirogue à travers la vague menaçante qui forme sur la côte une barre assez difficile à franchir, sautèrent dans le frêle esquif et commencèrent à voguer. Quand la petite voile fut hissée au mât de bambou, ils retombèrent dans leur silence accoutumé. Le plus jeune des deux pêcheurs, étendu sur le devant de la pirogue, dont la forme rappelait celle d'un hamac, se laissait bercer par le mouvement du flot et regardait les étoiles. Assis à l'arrière, l'aîné serrait sous son bras la pagaie qui tient lieu de gouvernail. Ils cinglaient lestement vers le large, laissant derrière eux un sillon d'écume où brillaient dans l'obscurité de la nuit mille étincelles phosphorescentes. De temps à autre, pour conjurer le sommeil auquel les conviaient la fraîcheur et le silence des eaux, ils entonnaient à demi-voix un de ces refrains monotones et mélancoliques particuliers au peuple primitif et qui ressemblent presque au roucoulement du ramier. Une heure avant le jour, la brise de terre tomba. La brume transparente qui descendait lentement du sommet des montagnes s'étendit comme un voile de gaz sur les flots assoupis. La voile et le mât, devenus inutiles, furent replacés au fond de la pirogue et les deux frères se décidèrent à jeter leur filet car un léger frisson parcourait leurs membres nus. Ils grelottaient presque à cette température si douce que nos lourds vêtements nous font trouver trop chaude. Tout à coup, le soleil s'alluma comme un phare sur un pic lointain. Une lumière rose glissa sur le penchant des monts et courut sur la mer en chassant devant elle la brume du matin. Enfin, la dernière étoile venait de s'éteindre quand une voile se montra au regard des pêcheurs. Elle se gonflait légèrement au premier souffle de la brise du large. « Une voile !» cria Tirupati, désignant du doigt le point blanc que son frère considérait lui-même avec attention. « Tirons nos filets !» reprit celui-ci en haussant les épaules. « J'y vois sauter une demi-douzaine de jolis poissons qui feront notre affaire mieux que ce navire musulman. »« As-tu donc les yeux troublés par le sommeil que tu n'aies pas reconnu la voile pointue d'un baguero arabe ? Ce qui le monte ne donnerait pas un païsa de ton oiseau de la Chine. » »« Et tous les fruits du Travancore, » ajouta Tirupati, « ne valent pas pour eux un pâté de dattes confites avec des mouches au lieu de girofles. » Il jeta dans le fond de la pirogue les poissons qui se débattaient accrochés aux mailles du filet. Tandis qu'il continuait de pêcher, le baguero, dont l'immense voile frémissait sous la brise fraîchissante, marchait vers eux. C'était le Fatah Er-Rahman de Mascate, monté par 25 matelots de la côte orientale de l'Arabie. Nu jusqu'à la ceinture, la tête entourée de l'écharpe aux vives couleurs dont les franges flottaient sur leurs épaules, ces enfants d'Ismaël regardaient d'un œil distrait la terre encore éloignée et la petite pirogue qui se balançait sur les flots. À l'arrière, le nakoda, le patron, Youssouf Ali, fumait gravement sa longue pipe. Le caftan brun qui l'enveloppait tout entier ne laissait voir que ses doigts effilés et son profil sévère encadré dans une barbe d'un noir de jais. La forme du navire, dont la poupe rehaussée s'élevait comme le dos d'un chameau au-dessus de la mer, tandis que sa proue allongée plongeait dans la vague comme le bec d'un oiseau, son gréement simple et primitif, qui consistait en un seul mât et une seule voile, comme celui des barques conduites par les Grecs au siège de Troie, tout rappelait, dans l'aspect du Baghero, l'un de ces bâtiments primitifs qui fréquentaient au temps d'Alexandre l'embouchure de l'Indus et naviguent sur l'océan Indien depuis tant de siècles. Poussé par les vents alizés, le Nakoda Yusuf allait chaque année, les yeux fermés, de Mascate à Trabancore, sans avoir recours à l'octan dont il ignorait l'usage. L'instinct, la tradition, une vague connaissance de l'astronomie, lui tenaient lieu de science. Il savait parfaitement que son navire se trouvait à 30 000 à l'ouest d'Alep, lieu de sa destination, et n'avait sur ce point aucun renseignement à demander aux deux pêcheurs. Ceux-ci, de leur côté, ne s'occupaient guère du bâtiment arabe qui marchait lourdement vers eux, de manière à raser leur pirogue. Quand le Baghero ne fut plus qu'à une encablure des pêcheurs, l'un des matelots, qui avait appris dans les ports de l'Inde quelques mots d'anglais, plaça ses deux mains devant sa bouche en manière de porte-voix et se mit à crier « Fish about! Ah! Du bateau pêcheur! Matchli baout koub matchli! Du poisson, du très bon poisson !» répondit Tirupati, qui prenait au sérieux l'interpellation du matelot arabe. Au moment où il levait le nez vers le Baghero, en présentant à deux mains une corbeille remplie de frétillants poissons, il reçut à travers la face un vieux faubert mouillé qui lui couvrit la tête jusqu'aux épaules. Un immense éclat de rire accueillit cette facétie nautique sur le pont du Baghero. Tirupati y répondit par un cri de colère. En se retournant sous le coup du projectile, il fit chavirer la frêle pirogue et tomba à la mer avec son frère Tirubala. Larguer la drisse de la voile, faire signe au timonier de mettre la barre au vent de manière à arrêter l'élan du navire en le faisant tourner sur lui-même, puis distribuer à ses matelots quelques vigoureux coups de corde, tout cela avait été pour le Nakoda Yusuf l'affaire d'une minute. Déjà, les deux pêcheurs, revenus sur l'eau, remettaient à flot leur pirogue en la soulevant avec leurs épaules. Les hindous des côtes nagent tous comme des requins. Ils recueillirent les pagaies qui flottaient autour d'eux, les cocos dispersés, la voile que le mât empêchait de sombrer. Mais l'oiseau de Chine avait péri, les filets étaient allés au fond de la mer, et les poissons n'avaient pas perdu une si belle occasion de se replonger dans leur élément. Quand les deux frères eurent réparé de leur mieux le désordre causé par ce malencontreux incident, ils saisirent la corde qu'on leur tendait du haut du Baghero et grimpèrent à bord. Le Nakoda les regarda sans rien dire, et quand il se fut assuré qu'il n'était pas blessé, il alla se rasseoir sur son tapis tout au bout de la dunette. « Ah, Nakoda Saheb, monsieur le capitaine !» s'écria Tirubala gesticulant des bras et des jambes. « Nous sommes de pauvres gens ruinés. Qu'avions-nous fait pour être traités ainsi par vos matelots? Nos filets, notre pêche, tout est perdu. Il ne nous reste plus de quoi donner du riz à nos enfants !» cria à son tour Tirupati, qui n'était pas plus marié que son frère. « Homme généreux, ayez pitié de ceux que vous avez réduits à la misère !» Tout en parlant ainsi, il pleurait, se frappait la poitrine et poussait des soupirs à fendre l'âme. Quand ils eurent épuisé toute leur éloquence, ils se couchèrent sur le pont, déclarant qu'ils allaient mourir sous les yeux du barbare étranger qui refusait de leur faire justice. Yusuf donna des ordres pour qu'on remît le navire en bonne route. Quand la manœuvre fut finie, il se fit servir une tasse d'excellent mocha, tira quelques bouffées de sa pipe, puis fixant ses yeux perçants sur les deux frères. « Avez-vous tout dit ? » leur demanda-t-il. « Avez-vous fini vos mensonges et vos grimaces ?» Et comme ils allaient recommencer leurs plaintes et leurs cris, « Silence !» reprit-il. « Voilà 20 roupies. 10 pour les filets qui en valaient bien 5, 5 pour les poissons que vous aviez pris et pour ceux que vous auriez pu prendre en une semaine. Les 5 autres sont pour vous consoler de la peur que vous avez eue et de l'émotion que vous a causé ce bain matinal. Et mon oiseau, plus beau que le faisan de nos forêts, plus savant qu'un perroquet du Mysore, avec quoi le paierez-vous ? » demanda Tirupati, encouragé par l'offre de 20 roupies. « Elle est morte dans sa cage, cette pauvre bête, qui parlait la langue des Firinguis, c'est la vôtre, Nakoda Saheb. »« Prenons toujours les 20 roupies de peur qu'il ne se ravise, » dit tout bas Tirubala. si la fantaisie lui venait de nous lancer par-dessus le bord. Cette sage réflexion était suggérée à l'aîné des pêcheurs par la vue d'un nuage de colère qui commençait à assombrir le front du nakoda. La poltronnerie fit taire en eux le sentiment de la cupidité. Ils saisirent au vol la bourse que leur jeta Youssouf, se retirèrent à reculons jusqu'au pied du mât, saluant avec une respectueuse humilité le nakoda et même les matelots, y compris le mousse, et se laissèrent glisser comme des singes dans leur pirogue. Le bagarro, poussé par la brise qui fraîchissait à mesure que le soleil montait vers le zénith, arriva bientôt en rade d'Alep. Les pêcheurs suivirent la même route que le navire arabe. Avant de retourner à leur village, ils voulaient acheter des filets dans la ville d'Alep pour remplacer ceux qu'ils avaient perdus. La mer était devenue houleuse. La frêle pirogue disparaissait entre les vagues et reparaissait sur leur cime comme la belette qui traverse un champ en coupant les sillons. « Tout calculé, » dit Urepati à son frère au moment où il touchait la terre, « la journée n'a pas été mauvaise. Les 20 roupies nous mèneront loin. »« Oui, » répliqua Tiruvala, « mais il reste à nos pays le mauvais tour qu'ils nous ont joué. » À quoi Tirupati répondit par une exclamation gutturale qui signifie dans le langage muet des pêcheurs du Malabar « Nous verrons bien. »